force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous bénissons le Seigneur. Celui qui est sorti du tombeau, Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi, parce que ton problème est déjà résolu, parce que le Seigneur a déjà manifesté sa puissance. Oui, tu dois passer de l'humiliation à la gloire maintenant. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à spécial OSB Pâques. Nous allons lire Jean chapitre 20, verset 11. À 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille, je prie avec OSB. OSB. Notre passage de base, c'est Jean chapitre 20, du verset 11 au verset 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit Jésus. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous devons cesser de pleurer, car Jésus est ressuscité. Je vais dire à une femme, ça fait longtemps que tu es restée veuve, que tu as perdu le mari. C'est vrai que tu as connu des difficultés avec la belle famille. On t'a laissé tout avec les enfants. Oui, c'est difficilement que tu nourris tes enfants. Mais j'aimerais te dire que Jésus est ressuscité. Va essuyer tes larmes. Ces enfants vont finir ses études. Oui, même si tu te demandes comment tu vas faire pour l'université, je vais te dire, femme, le Seigneur va opérer un miracle. Oui, ton enfant aura une bourse où il ira à l'extérieur du pays. Et toi-même, tu ne comprendras pas comment cela va se faire. Et je proclame que ces choses arriveront dans ta vie parce que le Seigneur les a prévues pour te relever, pour essuyer tes larmes, pour que tu sois consolé par tes enfants. Ne pleure plus. Je vais dire à une femme qui n'enfante plus, oui, depuis que tu as fait une fille, Ça fait longtemps que tu attends un garçon. Et au niveau de la belle famille, on te persécute parce qu'il n'y a pas d'héritier. Et tu pleures beaucoup. Tu dis, quand est-ce que j'aurai un garçon? J'aimerais te dire que maintenant même, la puissance de Dieu est en train de toucher maintenant tes organes. Et tu auras un garçon parce que Jésus est ressuscité. Ne pleure plus. Il a déjà entendu tes larmes. Tu as pleuré pendant longtemps. Il a entendu les cris que tu as poussés pendant tes temps de retraite, pendant tes temps de jeûne. Cesse de pleurer. Jésus est vivant. Ton Dieu est vivant et ceux qui se moquaient de toi, ils sauront que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Cesse de pleurer, commence à le louer parce qu'il a déjà écouté ta prière. Oui, cessons de pleurer. Marie pleurait parce qu'elle ne savait pas que Jésus est ressuscité. Écoutez ce que la Bible dit au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans les sépulcres. Elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Vous voyez la question qu'elle se pose. « Pourquoi pleures-tu ? » Parce que tu vois des difficultés, parce que tu considères ce que les hommes te font. Parce qu'il y a des gens qui te persécutent dans les quartiers. Parce qu'au niveau du travail, les gens ont bloqué ton salaire. Ils ont bloqué ton profit de carrière. Mais ils ne vont plus continuer à bloquer. Les profits de carrière de Mardoché étaient bloqués. Mais quand le Seigneur a décidé de débloquer, il a élevé. Et Aman qui voulait lui faire du mal, c'est lui-même qui a été crucifié. Est-ce que tu comprends? Il y a un temps pour toutes les choses. Cesse de pleurer, cesse de t'apitoyer, de dire que je suis venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Le Seigneur a permis un temps d'épreuve dans ta vie. Mais maintenant, c'est le temps où le Seigneur veut te relever de ton épreuve. Et tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu vas oublier ce temps de pleurs. Maintenant, le Seigneur veut te faire passer des moments de réjouissance. Parce que Jésus est ressuscité. Deuxième vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Christ ressuscité. Ils ont des confusions. Il est possible que tu es à l'église, tu es à la messe, tu es même déjà baptisé, confirmé. Mais Jésus, dans sa puissance de ressuscité, peut-être tu ne le connais pas encore bien. Regardez Marie ici, Marie de Magdala. Elle était en face de Jésus, de celui qui est ressuscité. Mais elle confondait Jésus avec les jardiniers. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, ils vont à l'église, ils vont à la messe, mais ils ne comprennent pas toute la puissance qu'il y a dans le Christ ressuscité. Ils n'ont pas encore rencontré. Il y a des gens qui prennent Jésus pour un prophète. Pour d'autres, ils prennent Jésus pour un simple homme. Ils s'en vont tout simplement à l'église comme par des formalités. Les gens qui, tantôt ils prient Jésus, tantôt ils s'en vont quelque part pour avoir des talismans, des fétiches. Ce sont des personnes qui sont dans la confusion. Ils n'ont pas encore expérimenté ce Christ ressuscité. Regardez ce qui est dit ici. Au verset 14. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Oh mon Dieu! Elle ne savait pas que c'était Jésus. Toi qui pries avec OSB, ça fait longtemps. Il y a tes parents qui te disent de prier avec OSB. Toi qui pries avec OSB, tu nous suis quelque part en France. Tu nous suis quelque part aux États-Unis. Est-ce que tu connais qui est ce Jésus-là? Tu vis dans des moments d'insécurité. Tu as un problème. Tu es parti voir beaucoup d'hommes de Dieu. Tu es parti voir un pasteur. Après, tu es parti voir un prêtre. Mon ami, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur qui peut te donner la solution. Il faut rencontrer Jésus-Christ, le ressuscité. La religion est différente du christianisme. La religion peut être définie comme étant l'ensemble des efforts que fournissent les hommes pour atteindre Dieu. Il ne suffit pas, il ne s'agit pas d'être religieux, il s'agit d'être chrétien. C'est rencontrer Jésus de manière personnelle. C'est ce qui te manque si tu veux que ta situation change. Il faut que tu rencontres de manière personnelle. Cesse d'être un pas dedans, un pas dehors. Non! Il faut que Christ ressuscité te touche et que tu le vois dans sa puissance telle qu'il est et que tu cesses la confusion. Le verset 15 dit, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, vous voyez, quand on ne connaît pas Jésus, on va le confondre à n'importe qui. On dit, pensant que c'était le jardinier. Elle ne savait pas qu'elle était en face de celui qui est Seigneur, le ressuscité, celui qui est capable de résoudre tous ses problèmes. Et je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu connais ce Jésus que tu invoques? Tu te plains sur des questions d'argent. Est-ce que tu le connais réellement? Comment est-ce que tu peux suivre Jésus et tu es en même temps dans le spiritisme, dans le mysticisme? C'est que tu ne le connais pas. Comment est-ce que tu peux prétendre suivre Jésus en même temps tu vas immoler des sacrifices au village? C'est que tu ne le connais pas encore. Comment est-ce que tu peux prétendre connaître Jésus et tu as peur de la sorcellerie et tu as encore des talismans, des choses pour te protéger que tu enterres devant la porte? C'est que tu ne le connais pas encore. Il faut que tu le connaisses et tu vas expérimenter une autre dimension de sa puissance. Troisième vérité, lorsque nous connaissons le Christ ressuscité, la mission qu'il nous donne, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit ici à Marie. Verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et le verset 18 dit, « Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. » Oui, prends la résolution à l'occasion de Pâques d'aller annoncer l'évangile. D'aller annoncer à quelqu'un qui est désespéré que Christ est ressuscité. Il est vivant, il est capable de les libérer, il est capable de résoudre son problème. Va annoncer aux parents qui ne le connaissent pas encore que Christ est ressuscité. Va annoncer à ceux qui ont peur avec les problèmes d'insécurité qu'on vit dans le monde. Il faut leur dire qu'ils se confient en Jésus. C'est Jésus qui est capable de sécuriser leur vie. Va annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont désespérés, à ceux qui vivent dans le stress, à ceux qui vivent dans l'abattement, dans l'angoisse, dans le désespoir. Va leur annoncer que Jésus est ressuscité et qu'ils ont besoin de se tourner vers lui. Oh bien-aimé, notre mission est d'aller annoncer l'évangile. Qu'à l'occasion des Pâques, que toute l'Église se mobilise pour dire, nous devons proclamer la bonne nouvelle, afin que le royaume de Dieu s'étende. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel des armées, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous délivrer. Oh oui, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui as dominé la mort, toi qui as dominé l'enfer pour nous racheter. Nous voudrons te chanter, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Adorons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louerons, ô Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louerons, ô mon Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia, gloire au ressuscité, gloire à celui qui a vaincu la mort. Élevons nos voix, bénissons son saint nom. Nous te rendons l'honneur et la gloire, toi le ressuscité. Oh, sois béni notre Dieu, notre Seigneur, toi qui vis en nous. Tu es celui qui essuie nos larmes. Personne ne peut t'enlever de nos vies. Oui, tu es celui qui vit en nous jour après jour. Tu es celui qui connaît tous nos problèmes et qui agit dans nos vies. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment. Nous te bénissons, ô notre Seigneur, notre Dieu, car ta grâce nous suffit. Ta main puissante, Seigneur, suffit pour changer notre situation. Oh, nous bénissons et nous exaltons ton nom en ce moment, notre Dieu, notre Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur, c'est que quand nous te rencontrons, tu changes notre situation. Oui, nous ne restons pas le même. Béni sois-tu, ô notre Seigneur. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout changer. Oui, tu es le même. Tu n'as pas changé. C'est pourquoi nous t'élevons et nous te glorifions. Merci Seigneur. Toi, le Dieu qui nous envoie annoncer l'évangile et qui nous accompagne dans la moisson. Sois béni, notre Seigneur. Toi, le Dieu redoutable. Toi, le Dieu plein d'amour. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, nous aimerions connaître vos avis. Vous pouvez nous contacter sur notre site web ou sur notre Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons cesser de pleurer parce que Jésus est ressuscité. Oh, tu vas prier. Peut-être que tu pleures pour une situation où tu es désemparé. Tu pleures parce que tu as perdu l'emploi. Tu pleures parce que tu viens de perdre un être cher. Tu pleures à cause de tout ce que tu vois dans ton pays, dans ta famille. Tu te sens toujours écrasé, humilié, méprisé. Cesse de pleurer. Dis, Seigneur, j'aimerais cesser de pleurer parce que tu connais ma situation. Tu connais mon problème. Je crois que tu es ressuscité. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui se sentent humiliés. Prions pour ceux qui pleurent. Prions pour ceux qui sont persécutés. Au nom de Jésus, que le Seigneur les ressuscite, les relève et essuie les larmes. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force. Tendre Père, c'est une joie, c'est un privilège pour nous d'invoquer ton nom ce matin. Un privilège pour ce jour de résurrection. Nous demandons au Père éternel que ta grâce, ta faveur, ta sécurité et ta protection demeure toujours en nous. Nous prions au Père éternel pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui expérimentent des moments de difficulté. Nous prions au Père éternel pour la délivrance. Tu as dit dans ta parole, dans leur détresse, ils criaient à l'éternel. L'éternel envoya sa parole et les guérit. Il est sorti de la détresse. Sors de la détresse, ô Père éternel, tes filles et tes fils qui crient ce matin, qui souffrent ce matin, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent de chômage, qui souffrent de frustration, qui souffrent d'esprit de non-accomplissement, qui souffrent de manipulation satanique, qui souffrent d'emprisonnement diabolique. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de résurrection se manifeste dans leur vie. Nous prions au Père éternel et nous te demandons d'intervenir dans leur vie. Interviens dans leur vie et délivre-les des traits enflammés de l'ennemi. Délivre-les de leurs adversaires qui sont plus forts qu'eux, dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent témoigner que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses et ils sont dans la joie. Merci Père éternel. Merci pour ce jour exceptionnel. Merci pour cette grâce exceptionnelle. Merci pour cette sécurité exceptionnelle que tu mets dans nos vies. Merci pour nos frères. Merci pour nos sœurs qui sont délivrées de la puissance de la mort. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le ressuscité. Marie de Magdala était en face de Jésus, mais elle ne les connaissait pas encore bien. Elle confondait Jésus à un jardinier. Il y a aujourd'hui des gens qui confondent Jésus à un simple homme, à un simple prophète, à un homme comme tous les autres. Oh, nous allons prier pour que le Seigneur se révèle à eux dans sa dimension du ressuscité. Oh, tu vas prier le Seigneur. Si tu ne le connais pas encore, tu dois dire, Jésus, je veux que tu te révèles à moi aujourd'hui. Je veux que tu te révèles à mon frère. Je veux que tu te révèles à mon mari. Je veux que tu te révèles à ma femme, à mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Tu es le glorieux, tu es le magnifique, l'élevé, celui qui a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre, sous les pieds duquel le Père, le Seigneur a mis tous ses ennemis. Tu es le roi des rois, tu es le chemin entre les hommes et Dieu. Oh, tu es l'intermédiaire, tu es le vivant. Oh, que la gloire te revienne. Nous voulons que tu te révèles, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te présentes à tes enfants qui sont angoissés, qui sont torturés, qui gémissent, qui pleurent. Que tu te révèles véritablement à travers ta parole, à travers ta puissance, à travers tes signes, à travers tes prodiges, à travers tout ton pouvoir à celui-là qui est ressuscité, qui a dit « Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Tu es là pour nous guérir. Tu es là au nom de Jésus-Christ, en ton nom qui est au-dessus de tout nom, toute autorité, tout pouvoir, toute élévation. Notre Dieu, notre Père, nous croyons que tu es le même qui n'a jamais changé. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir dans nos foyers. Nous voulons te voir dans la vie de nos enfants. Nous voulons te voir Ô notre Dieu, notre Père, toi, par ton esprit, qui donne la paix, qui donne la joie, nous voulons te voir. Révèle-toi. Fais-toi connaître. C'est en ton nom que nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Notre mission est d'aller annoncer les ressuscités. Jésus a dit à Marie, va annoncer la bonne nouvelle à mes frères. Bien-aimé, tu vas prier pour que le Seigneur te donne ses ailes d'aller annoncer l'évangile. Oui, qu'à l'occasion de la fête de Pâques, tu puisses parler à quelqu'un de Jésus. Tu puisses parler à un ami. Tu puisses parler à une sœur. Tu puisses parler peut-être à un membre de famille, à une collègue de service qui traverse des moments difficiles. Oui, aie le courage que Dieu te donne ses ailes pour lui parler de lui et que l'Église puisse se réveiller pour aller annoncer l'évangile. Oh, il y a des régions, il y a des pays où réellement les gens sont en train d'être sacrifiés. Oh, l'évangile de Jésus-Christ est capable, oui, de faire reculer les ténèbres. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire au ressuscité, gloire à celui qui n'est plus dans le tombeau, gloire à celui qui a détruit les œuvres des ténèbres, gloire à celui que la mort n'a pas pu retenir. À toi toute la gloire, nous te bénissons parce que tu es digne, tu es unique. Ce matin, je voudrais te dire merci parce que tu nous as fait connaître ce glorieux nom, ce nom qui nous a ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela, à notre tour, nous voulons avoir comme style de vie, oui, d'annoncer les vertus, la grandeur, la puissance de ce nom à tous ceux qui nous entourent. Nous voulons que les églises soient des missionnaires, suscitent des missionnaires, fassent des programmes d'évangélisation pour qu'une multitude vienne à Christ, car il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Seigneur, merci parce que la honte est brisée et le pouvoir de la puissance de la résurrection nous donne maintenant, oui, d'aller partout, dans les hameaux, autour de nous, autour de notre travail, autour de nos maisons, pour dire que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ les aime. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour cette mission que tu donnes à tous chrétiens. Merci, Seigneur notre Dieu, en le faisant, tu nous bénis. En le faisant, les portes s'ouvrent pour nous. En le faisant, la vie est pour nous. En le faisant, la joie. Et nous recevons ce que nous t'avons demandé. Nous te demandons toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais annoncer que nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires ce dimanche 3 avril 2016. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Thème, comment prier pour ouvrir les portes du ciel. L'étiquette pour notre sortie bonheur conjugal du 9 avril au lycée Mamie Fété sont déjà en vente à 1500 francs. À 1500 francs, c'est pour les célibataires. Hâtez-vous donc pour ne pas manquer ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.